Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 11 novembre 2020. Voici les grands titres de cette édition. Des acteurs politiques qui disent être militants du parti Uprona réclament des pourparlers avec leur direction. Objectif, rassembler les tendances de ce parti. On fera le point dans ce journal. Et deux hommes ont été maltraités et dépouillés de leurs effets personnels dans la soirée de ce mardi par deux jeunes au quartier Rango. C'est dans la ville de Gitega. Les responsables administratifs exigent aux habitants d'éclairer les extérieurs de leurs habitations pour plus de sécurité sur la voie publique. À suivre également dans les prochaines minutes, la chronique sur les messages de haine. Et en actualité internationale, les procureurs sud-africains ont émis un mandat d'arrêt contre le secrétaire général de l'ANC, soupçonné par la justice d'actes de corruption dans un contrat public de 15 millions de dollars. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire, deux hommes ont été dépouillés de leurs effets personnels dans la soirée de ce mardi par deux jeunes au quartier Rango, c'est dans la ville de Gitega. Les habitants de ce quartier disent que cette situation vient de durer plus d'un mois et demandent à la police de doubler de vigilance. Le chef du quartier Rango dit qu'ils ont donné un délai d'une semaine à ses habitants pour mettre l'éclairage sur les clôtures de leur maison. Arthur Kavabouchi. Ces deux personnes maltraitées vers 19h sont tombées dans les mains de ce groupe de malfaiteurs vers 19h. Comme l'indique cette victime, c'était vers 19h quand il rentrait de la ville en compagnie de son voisin qui était devant lui. Mais comme il le souligne, il a vu qu'il empruntait un chemin inhabituel et qu'il lui a demandé pourquoi. Un jeune qui était dans les buissons lui a dit que c'est un grand homme et qu'il peut rentrer seul. Après avoir entendu cela, il est parti en courant, mais il a été vite attaqué par cet autre jeune. Aidé par un autre, ils lui ont déchiré ses vêtements et volé son téléphone et une somme de 30 000 francs bouts. Cette autre personne dit qu'il a croisé deux jeunes vers 19h30 qui lui ont maltraité à l'aide de matraques en lui frappant partout sur les parties de la tête. Après, il souligne qu'ils lui ont volé de l'argent. Une autre femme du quartier Rango nous a dit que même son domestique a été maltraité il y a quelques semaines et c'était un peu tôt dans la soirée. Elle demande à la police de doubler de vigilance. Un autre habitant de ce même quartier, lui, qualifie cela d'acte criminel car ce n'est pas de vol simple. Le chef du quartier Rango indique qu'ils ont donné un délai d'une semaine aux habitants de ce quartier pour mettre de l'éclairage sur les clôtures des maisons afin de faciliter l'éclairage des rues et les coupables sont devant l'OPJ pour ouvrir le dossier en justice. Dans ce quartier Rango, dans une période d'un mois, 5 personnes ont déjà été maltraitées. Arthur Kavabouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et 37% des bénéficiaires des activités du programme de développement des filières pour des filles sont des femmes, comme l'indique Damien Gendahayo, chef de mission d'achèvement de ce projet, lors de l'atelier de restitution et de validation de ce programme ce mardi. Il dit que cela a permis l'autonomisation socio-économique de la femme et sa participation communautaire. Ce projet a permis également de créer à mi-parcours plus de 18 000 emplois chez les jeunes ruraux. Suivez Damien Gendahayo au micro d'Armel Motori. Globalement, le Prodéfi 1 a pris en compte le genre dans la mise en œuvre de ses activités qui ont contribué à la participation communautaire et même politique de la femme et à son autonomisation socio-économique. Dans l'ensemble, on a 37% de femmes qui sont bénéficiaires des activités du projet par rapport au nombre total de bénéficiaires. Mais pour les CEP, par exemple, les champs, écoles, les femmes représentent 53% dans les champs, écoles, paysans, vivriers, 33% dans les champs, écoles, paysans, élevage et plus de 70% pour les activités d'alphabétisation. Évidemment, avec l'intervention du Prodéfi, les femmes aussi, comme les hommes, ont augmenté leurs revenus qui les ont permis d'accumuler des biens, comme l'achat des terres, l'achat de petits bétails, l'amélioration du logement et de l'alimentation, l'éclairage solaire de leurs habitations, la scolarisation des enfants, etc., etc. Le projet a aussi contribué à l'accroissement de leur estime de soi et de la prise de conscience des opportunités qui leur étaient offertes pour valoriser leur rôle dans l'augmentation du revenu de leur ménage. Les femmes présentes dans les ateliers des parties prenantes ont témoigné ceci, que c'est effectivement une réalité. La participation aussi très appréciée des femmes dans la planification du développement et la gestion des biens du ménage. Nous l'avons vu sur le terrain. Ça a vraiment permis aux femmes et aux hommes de participer conjointement à la planification du développement et de la gestion des biens du ménage, ce qui ne se faisait pas avant. Pour l'effet 3, les emplois pour les jeunes ruraux sont créés. Là aussi, c'est très satisfaisant, puisque à la revue Ami Parcours, on avait estimé qu'on allait créer 10 000 emplois, mais le projet a créé presque le double, 18 750 emplois qui ont été créés dans le secteur non agricole et dans le développement des filières agricoles. C'était Damien Gendahayo, chef de mission d'achèvement du projet et du programme de développement des filières ProDéfi en sigle. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Des enfants de l'école fondamentale de Titi en commune Moussigati dans la province de Bouvanza souffrent depuis le matin de ce mercredi d'une maladie non encore connue et selon les témoins sur place, cette maladie se manifeste par une forte chaleur, des enfants pleurent, s'agitent et crient en courant. Et jusqu'à midi ce mercredi, 46 enfants ont été évacués au centre de santé proche. Les responsables sanitaires de cet établissement sanitaire indiquent que certains résultats des examens déjà faits sont positifs au paludisme, tandis que d'autres sont négatifs. Les responsables scolaires et sanitaires au niveau provincial sont en train d'enquêter sur la situation. Du sport, en bref. La sélection nationale de football croise le fer avec celle de la Mauritanie à 16h, heure de Nouakchott, c'est-à-dire 18h, heure de Bujumbura ce mercredi. Et ce match s'inscrit dans le cadre des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine au Cameroun. Le match retour est prévu dimanche de la semaine en cours au stade Inouari de Bujumbura. Ces équipes se sont affrontées le 18 janvier 2014 dans le match qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur du Burundi. Et pour que le Burundi valide le billet de participer dans ces compétitions de la CAN édition 2021, il doit gagner tous les matchs contre la Mauritanie. Jusqu'à présent, le Burundi n'a gagné aucun match. Il a été battu par la Centrafrique 2-0 le 13 novembre 2019. Les Hirondelles se sont inclinées également par 3-0 le 19 novembre 2019 face à la sélection du Maroc, les Lions de l'Atlas. Et c'était dans un match qui a été livré au stade Inouari de Bujumbura. Et on marque une courte pause. L'actualité continue. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Des mesures exceptionnelles viennent d'être prises contre les commerçants grossistes du ciment agréés par Bousséco. Samson Daïzeye, secrétaire permanent au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, vient de l'annoncer lors d'une réunion d'échange avec les grossistes du ciment. Suivez-le. Des mesures exceptionnelles viennent d'être prises à l'endroit des distributeurs du ciment agréés par la société Bousséco qui sont obligatoirement tenus de tenir un registre approprié dans lequel seront régulièrement inscrits les clients servis avec les détails suivants. Nom et prénom du client, son adresse commerciale, le numéro de sa carte d'identité, son numéro de téléphone, les quantités servies et la date de livraison. Des contrôles complémentaires seront effectué par les inspecteurs du ministère pour vérifier sur terrain la conformité de ces listes avec la réalité, car le comportement de la quasi-totalité des commerçants du ciment Bousséco est aujourd'hui inacceptable, surtout que ce sont des consommateurs que nous sommes appelés à protéger qui en paient le prix. Je voudrais rappeler que le prix officiel convenu est de 24 500 par sac de ciment 32.5 et de 30 000 francs par sac de ciment 42.5. À cet effet, effet. J'invite avec insistance les commerçants, grossistes et distributeurs du Simabuseko à prendre ce message au sérieux, car celui qui ne respectera pas la présente décision sera sévèrement sanctionné. Également dans l'actualité, des bouteilles en plastique sont éparpillées à différents endroits dans la ville de Bujumbura, sur les rives et dans le lac Tanganyika. Dans certains milieux visités par nos confrères, certaines bouteilles sont entassées alors que d'autres se dispersent de tous les côtés. Ceux qui exercent leurs activités aux environs interpellent les usagers des bouteilles en plastique à plutôt les jeter dans des poubelles. Omer Douayo. Ces sortes de bouteilles dénoncées ici sont des bouteilles non biodégradables fabriquées en plastique. Elles sont éparpillées dans beaucoup de coins de la ville de Bujumbura, sur les routes et à l'intérieur des quartiers. Certaines de ces dernières gardent leur forme, mais elles sont sales, alors que d'autres ont déjà perdu leur forme. Quand on est passé sur le long du lac Tanganyika, au niveau du bar Pasta Comedia, des bouteilles en plastique sont éparpillées sur les rives de ce lac. Non loin de là, à 60 mètres, il s'observe un immense tas de ces bouteilles en plastique usagées. Le même phénomène s'observe au niveau du marché Rouvumera, tout près des feux de signalisation, là où ces bouteilles ont bouché le caniveau d'évacuation des eaux. La population environnante déplore le comportement des usagers de ces bouteilles en plastique qui les jettent partout. Elle demande la disponibilisation des poubelles sur les voies publiques. À cette doléance de la population, l'administration de Mukasa indique qu'elle prévoit mettre en place les poubelles publiques dans un délai ne dépassant pas une semaine. C'était un reportage d'Omer Ndouayou. Je vous l'avais également annoncé dans les titres, des acteurs politiques qui disent être des militants du parti Uprona réclament des pourparlers avec la direction de ce parti, et c'est dans l'objectif de rassembler les tendances de ce parti. Dans une correspondance du 4 novembre au courant que le professeur Evariste Ngaïmenda, se réclamant représentant de ses politiques, a adressé au président actuel du parti, il a affirmé que ce dialogue avait démarré puis a été bloqué par les élections du 20 mai dernier. De son côté, la direction du parti Uprona a promis de s'exprimer dans nos prochaines éditions de ce jeudi. Elinibel Nibigira, vous avez lu cette correspondance. Quel en est le contenu? Justement, Bosco, dans cette correspondance, ces politiques représentées par le professeur Evariste Ngaïmenda expliquent qu'avant les élections du 20 mai, la partie de ses acteurs politiques et la direction officielle du parti Uprona s'étaient convenus de poursuivre ces pourparlers. Après les élections, à cette époque, ce dialogue visait la participation du parti Uprona unifié aux élections, poursuit la lettre. Cependant, aucun compromis n'a été dégagé, souligne ce politique. Ce qui a fait que les Badasigana participent aux élections a rendu dispersé, et cela a causé un préjudice et regrette cette correspondance. Evariste Ngaïmenda, au nom de ces acteurs politiques qui se disent de l'Uprona, de l'opposition, affirme qu'ils avaient adhéré à la coalition Kira Burundi lors des récentes élections, mais se sont retirés, précise la correspondance adressée au président actuel du parti Uprona. Il justifie cette adhésion par l'échec des pourparlers pour la réunification. Ces acteurs politiques qui se réclament militants du parti de Gwagasore demandent la tenue des pourparlers qui aboutiraient au rassemblement des membres du parti, expliquant qu'il n'y a plus d'entraves. Honorable président, aujourd'hui, le mandat de vos organes est venu à expiration. C'est l'heure de leur renouvellement que nous avons attendu, écrit Ngaïmenda, qui estime que les contraintes qui avaient fait obstacle à une dynamique de rassemblement sont toutes levées. Cette correspondance se conclut sur le souhait de préparation de tenue de ces pourparlers qui ne devraient pas dépasser au moins 3 mois. Enfin, d'accomplir le travail qui, selon ces politiques, constitue la dernière chance de rassemblement pour l'avenir de la démocratie et la bonne gouvernance dans le pays. Contacté à ce sujet pour avoir la réaction de la direction du parti Uprona sur cette correspondance, réaffirme son soutien à la réunification. Le député Abel Gachati, président de ce parti, a promis à la rédaction de la radio Isanganiro de donner plus de détails dans nos éditions de ce jeudi. Merci Elinibel Nibigira pour ce compte-rendu de lecture de cette correspondance. Et en bref, Ezekiel Ndayisenga, qui était responsable du parti FNL dans la province de Karoussi, passe déjà 15 jours au cachot du commissariat de police dans cette province. Sa famille dit être inquiète qu'il n'est pas au courant des motifs de son emprisonnement. La police confirme l'emprisonnement de cet enseignant. Et en actualité internationale sans transition, les procureurs sud-africains ont émis lundi un mandat d'arrêt contre Astché Magashule. Le secrétaire général de l'ANC est soupçonné par la justice d'actes de corruption dans un contrat public de 15 millions de dollars signé avec une société de désamiantage alors qu'il était gouverneur de la province du Free State. Astché Magashule est considéré à 61 ans comme l'un des hommes politiques les plus puissants du pays, une figure incontournable de l'ANC, un proche de l'ancien président Jacob Zuma. Sa mise en accusation s'inscrit dans la promesse du nouveau chef du pouvoir, Cyril Ramaphosa, de s'attaquer à la corruption dans le pays et de changer l'image de l'ANC qui a été écornée par 9 années de scandale. Astché Magashule, qui a clamé son innocence mardi devant les médias sud-africains, devrait tout de même comparaître ce vendredi devant la haute cour de Bloemfontein. Et les autorités cubaines annoncent que l'aéroport international de La Havane, fermé depuis le 24 mars en raison de la pandémie du coronavirus, rouvrira ce dimanche 15 novembre pour reprendre les opérations aériennes, commerciales et des vols réguliers et charter. Enfin, le prince Khalifa Ben Salman Al Khalifa, le premier ministre le plus ancien du monde, qui occupait ce poste depuis l'indépendance du Bahreïn en 1971, est décédé ce mercredi 11 novembre à l'hôpital Mayo Clinic aux États-Unis à l'âge de 84 ans. C'est ce qu'a annoncé un média d'État et c'est l'agence de presse Bahreïni Benna qui ajoute que le pays allait observer une semaine de deuil officiel. Place maintenant à la chronique qui parle des messages de haine. Parle, rassure-moi. Les discours qui remuent le couteau dans la plaie sont souvent utilisés par des gens qui veulent aboutir à leurs intérêts personnels. Lambert Hakuziaremier, socio-anthropologue, explique que ces messages qui commencent par de simples discours peuvent conduire à des violences de masse au sein des sociétés. La chronique d'aujourd'hui nous a été préparée par Oban Yonguru. Les discours qui remuent le couteau dans la plaie sont une réalité, surtout depuis la période qui a suivi l'ère de l'indépendance. Selon Lambert Hakuziaremier, socio-anthropologue, ces discours sont souvent utilisés par des hommes politiques ou même d'autres qui ont une mauvaise intention en se basant sur des événements du passé. Mais sur le plan culturel, il précise que ces messages ne relèvent pas de la société burundaise. Les Burundais, sur le plan culturel, partagent beaucoup de pratiques culturelles. Souvent, si on considère ces pratiques culturelles, on ne peut pas remarquer qu'il y a tel groupe ou tel autre, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances sur le plan culturel, sur le plan de célébrer ces événements. Donc, on comprend bien que peut-être ces gens-là font recours à ce genre de discours pour pouvoir en profiter et surtout pour des intérêts individuels, mais pas pour des intérêts de la société. Selon cet expert, ces discours peuvent conduire à des conséquences néfastes dans les communautés parce que constituent-ils des éléments catalyseurs. Comme disait Amin Malouf, ces identités qui sont mobilisées aujourd'hui ont été qualifiées d'identités meurtrières. Le passé est témoin. On a vu que beaucoup de tragédies douloureuses qu'a connu notre pays ont été catalysées par la mobilisation de l'ethnie. C'est la même chose aujourd'hui. Si on continue avec ce genre de discours, parce que ce sont des discours qui propagent la haine, parce que ce genre de discours font une division entre nous et eux. Tout cela, c'est ce processus qui peut mener à des massacres collectifs. Y a-t-il moyen d'éviter ce genre de message? Lambert Hakuziaremier propose surtout aux jeunes de développer un esprit critique. Ne pas considérer ce genre de discours comme une vérité de l'évangile, mais au moins essayer d'interroger les faits et observer autour d'eux et voir que les Burundais en soi se reconnaissent comme les Burundais et non pas comme de telle ou telle autre ethnie. Dans les communautés, il demande à la population de privilégier la cohabitation pacifique et surtout de s'atteler aux travaux de développement. Merci Aubin Niyonguru, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Koubguimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.